les EDV du parfumé par opium. Dollar dans la valise, téléphone portable. Social-démocratie, les gogos de tout poil. Cinéma d'In Rosby, son tempo USA. Les fachos dans la rue, démocratie coquille. Politiciens véreux, l'amour à la vérole. On parque les prolos dans les cités d'urgence. Je suis un terroriste de la bande à Bono. Je suis un fataliste qui garde son tempo. Au feu de chez Mato, religion catholique. Vidéo dans la boîte sur tube cathodique. Défilé pour la mode, bouliche anorexique. Un tableau brésilien se bat dans le trafic. Un sans logique qui craque du côté de chez Fauchon. Un bourgeois qui dégueule après un bon gueuleton. Un président sénile qui roule dans sa ville. Un ministre le suit silencieux et docile. Je suis un terroriste de la bande à Bono. Je suis un fataliste qui garde son tempo. Je suis un enfoiré qui dérange l'histoire. Des villes et des villages, toujours les mêmes trottoirs. À la bourse, on spécule sur la misère humaine. On crève dans les ghettos, l'amour est à la traîne. Voitures japonaises et drogues colombiennes. Composée du trafic, c'est une vie de chienne. Une princesse qui se crache du côté de l'Alma. Une bande de trous du cul qui en font tout un plat. Je suis un terroriste de la bande à Bono. Je suis un fataliste qui garde son tempo. Il est 5h du mat, c'est Paris qui s'éveille. Il est 5h du mat, je n'ai pas sommeil. Je plonge dans ma cité chez mon poteau rappeur. On boit un bon café, je me couche avec sa sœur. On pleure sur l'Algérie qui crève d'indifférence. Au milieu des fachos, ça sent mauvais la France. Dans les bras de Fatima, je finis par m'endormir. Je pense à la musique, à un futur délire. Je suis un terroriste de la bande à Bono. Je suis un fataliste qui garde son tempo. L'impression d'être fou pour un visage qui passe. Un air de déjà vu pour la police d'en face. Les murs de ma cellule me parlent d'étolard. Qui avant moi sont morts de tout disant placard. L'impression d'être vierge pour une fille qui a vécu. Un air de déjà vu sur les années perdues. Le besoin d'être aimé pour une vie qui s'arrête. Quand se termine la nuit sur un matin d'ivresse. Je suis un terroriste de la bande à Bono. Je suis un fataliste qui garde son tempo. Juste des aurores sur les cités de la peur. On attend le bon Dieu, fonctionnaire clérical. Y'a juste la charité des fonctionnarisés. Des armées de cocus qui squattent dans les rues. Je voudrais être à toi quand se figent les mots. Sur les murs de la zone s'installe des soleils. Je suis sûr qu'à Paris on est loin de la France. Ce n'est pas capital que Paris soit en France. Je suis un terroriste de la bande à Bono. Je suis un fataliste qui garde son tempo. Tu vois bien que ma gueule partage la misère. Du prolo qui dégueule sur ses traites impayées. Y'a juste la police qui matraque sur ordre. Passe à les chicanos avec ou sans papier. On a bien l'air d'un conseil de son automne. Quand la jeunesse se bat, il n'y a plus personne. Les charters de la gauche veulent bien ceux de la droite. Et trace dans le ciel une blessure étroite. Je suis un terroriste de la bande à Bono. Je suis un fataliste qui garde son tempo. Bordel américain, musique aseptisée. Française dévêtue, parfumée par opium. Dollars dans la valise, téléphone portable. Social-démocratie, les gogos de tout poil. Cinéma d'In Rosby sur tempo USA. Les fachos dans la rue, démocratie coquille. Politiciens véreux, l'amour à la vérole. On parque les prolos dans les cités d'urgence. Je suis un terroriste de la bande à Bono. Je suis un fataliste qui qui garde son tempo.